Deuxième livre de Samuel, chapitre 9. Alors David dit, « Mais n'y a-t-il plus personne qui soit demeuré de reste de la maison de Saül, et je lui ferai du bien pour l'amour de Jonathan ?» Or il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Tsiba, lequel on appela pour le faire venir vers David. Et le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Je suis ton serviteur Tsiba. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül, et j'userai envers lui d'une grande gratuité ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un des fils de Jonathan, qui est blessé au pied. » Et le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voilà, il est à la maison de Makir fils de Amiel, à Lodébar. » Alors le roi David envoya, et le fit amener de la maison de Makir, fils de Amiel, de Lodébar. Et quand Mephibosheth, le fils de Jonathan fils de Saül, fut venu vers David, il s'inclina sur son visage, et se prosterna. Et David dit, « Mephibosheth, » et il répondit, « Voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan ton père, et je te restituerai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours du pain à ma table. » Et Mephibosheth se prosterna, et dit, « Qui suis-je moi ton serviteur, que tu aies regardé un chien mort, tel que je suis ?» Et le roi appela Tsiba serviteur de Saül, et lui dit, « J'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül, et à toute sa maison. C'est pourquoi laboure pour lui cette terre-là, toi et tes fils, et tes serviteurs, et recueille-en les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, mais quant à Mephibosheth, fils de ton maître, il mangera toujours du pain à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils, et 20 serviteurs. Et Tsiba dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur a commandé à son serviteur. Mais quant à Mephibosheth, dit le roi, il mangera à ma table, comme un des fils du roi. » Or Mephibosheth avait un petit-fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba, étaient des serviteurs de Mephibosheth. Et Mephibosheth demeurait à Jérusalem, parce qu'il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des deux pieds.